C'est fini la chanson Bon, ça va, chat, la vététiste. J'ai vu tes prouesses de... Putain, t'en fais des kilomètres. Bravo, parce que moi, j'en fais plus. J'arrive pas à monter sur un vélo encore. C'est qui ça? C'est vraiment une chanson magnifique. Pour ressentir le plus d'émotions, il faut l'écouter fort et ne faire que ça. L'écouter, fermer les yeux et imaginer Freddy. J'aime bien les commentaires. Magnifique, the best, il est très courageux. J'ai beaucoup de respect pour Freddie Mercury. Moi aussi, une pure merveille. Fermez les yeux, remplis de larmes et pensez à lui, le seul, l'unique. Une chanson, nulle autre pareille. Une telle puissance, une telle foi pour un homme qui se sait condamné. À chaque fois, les mêmes frissons, la même tristesse. Elle a été souvent reprise, mais jamais égalée. Sauf peut-être par Grégory Le Marchal. Il s'est salé en sursis. Oh, je suis méchant, c'est vrai qu'il est méchant. Enfin, il était. Ce qui est d'autant plus émouvant, c'est que Freddie Mercury, il a écrit cette chanson, mais les autres membres du groupe, ils vivaient tous la fin d'un rêve. Tu nous manques, Freddie. Tout. On ne change pas, on ne change pas. Une petite fille ingrate et solitaire. J'ai tellement content de refaire un concert parce que j'ai vraiment besoin d'argent pour payer mes impôts. J'en ai trop des impôts. On ne change pas. On ne change pas. Je suis pas vraiment très fan des Céline Dion. C'est pas vraiment ma tasse de thé. J'arrive pas à faire l'accent du Québec. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Bonsoir, c'est Céline Dion. Avec mon copain Eric Berzi et Jean-Jacques Goldman, on a fait une chanson qui s'appelle On change pas. Du coup, j'ai pas changé. Je suis toujours là. J'arriverai jamais à jouer ce truc. Mais non, c'est pas petit Papa Noël. Mais c'est pas ça. Ah, c'est marrant, c'est la même tonalité que ton truc. Eh bien, chers frères, prions pour tous ces gens qui nous quittent. Encore une fois. exactement.